Si j'avais pu oublier tous ces mauvais souvenirs, ceux qui me hantent, qui effacent mon sourire. Si j'avais pu te regarder dans les yeux sans te mentir, crois-moi je l'aurais fait, j'aurais pu tout te dire. Mais j'ai du mal avec ça, même ma mère ne sait presque rien de moi. Tu peux creuser, je ne m'ouvrirai pas, encore moins quand je ne connais pas. J'ai du mal à faire confiance, même la confiance est éphémère. Il n'y a que moi pour me comprendre, je préfère parler à moi-même. J'ai du mal à faire confiance, même la confiance est éphémère. Il n'y a que moi pour me comprendre, je préfère parler à moi-même. Oh, si j'avais pu, ça aurait été un peu plus facile. Un peu plus facile. Un peu plus facile pour moi de te faire lire entre les lignes. Si j'avais pu, je t'aurais dit, je suis rancunière. Je n'aurais pas fait semblant d'oublier ce que t'as pu me faire. Oublier, je suis comme ma grande sœur. Il y a eu des bas, mais c'était pour être à la hauteur. Qu'on me fixe aucune règle, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est la musique qui me libère. Tu ne verras pas ma peine. Jamais. J'ai du mal à faire confiance, même la confiance est éphémère. Il n'y a que moi pour me comprendre, je préfère parler à moi-même. J'ai du mal à faire confiance, même la confiance est éphémère. Il n'y a que moi pour me comprendre, je préfère parler à moi-même. Oh, si j'avais pu, ça aurait été un peu plus facile. Plus facile pour moi de te faire lire entre les lignes. Oh, si j'avais pu, j'aurais sûrement rien changé. Je n'aurais rien changé, simplement parce que tout ça m'a forgé. Ah, ah, et si j'avais pu, ça aurait été un peu plus facile. Un peu plus facile. Un peu plus facile pour moi de te faire lire. Forger.